الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله عز وجل ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون شرفت هذه الأمة بشهر تتطهر فيه النفوس من العصيان والآثام ومن مساوئ الأفعال والخصال يشغل المسلمون فيه أوقاتهم بالطاعة وتلاوة القرآن وينزه الصيام نفوسهم ويهذب القيام أخلاقهم ويلين القرآن قلوبهم يتسابقون في لياليه بالفضائل ويتنافسون في أيامه بالجود وفي عشره الأواخر تزكو الأعمال وتنال الآمال تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه وكان عليه الصلاة والسلام يضاعف أعماله الصالحة في شهر رمضان ويخص العشر منها بالمضاعفة تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيرها رواه مسلم Chers serviteurs d'Allah, craignez votre Seigneur d'une véritable crainte et sachez qu'il vous observe dans les lieux cachés et apparents. Chers musulmans, cette communauté a été ennoblie par un mois pendant lequel les âmes se purifient de leur désobéissance et leurs péchés et de leurs mauvaises actions et comportements. Pendant ce mois, les musulmans consacrent leur temps dans l'obéissance et la lecture du Coran. Le jeûne purifie leur âme et la prière nocturne éduque leur comportement. Le Coran adoucit leur cœur. Les musulmans se concurrencent pendant les nuits de ce mois par les bonnes œuvres et pendant la journée par la générosité et pendant les 10 dernières nuits, toutes ces choses-là prennent encore plus d'ampleur. La mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, nous dit « Lorsque les 10 dernières nuits arrivaient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam serrait son pagne, donnait vie à la nuit et réveillait sa famille. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière générale, faisait plus d'efforts pendant le mois de Ramadan et encore plus pendant les 10 dernières nuits. Aïcha radiallahu anha nous dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts d'adoration pendant le mois de Ramadan qu'il ne faisait pas pendant les autres mois de l'année. » Et il faisait des efforts d'adoration pendant les 10 dernières nuits qu'il ne faisait pas à un autre moment, rapporté par Imam Muslim. Ibadallah. في العشر الأواخر ليلة مباركة هي تاج ليالي الدهر كثيرة البركات عزيزة الساعات القليل من العمل فيها كثير والكثير منها مضاعف قال الله جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر ينزل من السماء خلق عظيم لشهود تلك الليلة قال الله سبحانه وتعالى تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر القائم في ليلتها بالتعبد مغفور له ذنبه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه في هذه الليلة تفتح الأبواب ويسمع الخطاب يصل فيها الرب ويقطع ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع تقول أم المؤمنين المؤمنين عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني رواه الترمذي. Chers musulmans, pendant les 10 dernières nuits se trouve une nuit bénie qui est-elle le couronnement des nuits de l'année. Elle contient beaucoup de bénédictions, ses heures passent très vite, peu d'œuvres pendant cette nuit deviennent énormes, et beaucoup d'œuvres pendant cette nuit deviennent multipliées. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran a fait descendre toute une sourate pour nous parler de cette nuit. Et il dit dans cette sourate, la nuit de Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. Et pendant cette nuit, descendent d'énormes créatures pour y assister. Allah nous dit, durant cette nuit, descendent les anges ainsi que l'esprit, c'est-à-dire Jibril, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Et celui qui prie pendant cette nuit, ses péchés, bi'ibnillah, lui seront pardonnés. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, quiconque veille en prière la nuit du destin avec foi et conviction d'être récompensé, aura tous ses péchés passés pardonnés, rapportés par Al-Bukhari wa Muslim. Donc, chers frères et sœurs, pendant cette nuit, les portes s'ouvrent et les invocations sont exaucées. Et pendant cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala lie des liens avec certains de ses serviteurs et en brise d'autres. Et il donne à certains et prive d'autres de sa générosité. Il humilie certains et élève d'autres. Aisha radiallahu anha, un jour, a dit à son mari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, si je savais qui est Laylatul Qadr, que devrais-je dire pendant cette nuit? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, dis Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, c'est-à-dire ô Allah, tu es celui qui pardonne et tu aimes le pardon, ainsi pardonne-moi, rapporté par At-Tirmidhi. Ayyuha as-sa'im, an Abi Hurayra radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam afdalus siyam ba'da Ramadan shahrullah al-muharram وأفضل الصلاة فريضة صلاة الليل رواه مسلم. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قيام الليل في سفر أو حضر وكان يصليه قائما وقاعدا حتى تنفطر قدماه أو حتى تتفطر قدماه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حتى انتفخت قدماه فقيل له أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وسار الصحابة رضي الله عنهم على هدي سيدهم ونبيهم محمد صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال الله سبحانه وتعالى واصفا الصحابة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك يعني الصحابة رضي الله عنهم. وقال الله عز وجل في وصف الصحابة الكرام رضي الله عنهم سيماهم في وجوههم من أثر السجود. والقيام لله في الظلم من أعمال أهل الإيمان. قال الله عز وجل فكانوا قليلا من الليل ما يرجعون. وصلاة الليل أعظم ما يرجى وأزكى ما يقدم وهي من أسباب دخول الجنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه الترمذي. وليالي رمضان مبشر من قامها بغفران الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. Cher jeune homme, selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le meilleur des jeûnes après le mois de Ramadan est le jeûne pendant le mois de Muharram, qui est le premier mois de l'année. Et la meilleure des prières après la prière obligatoire est la prière de la nuit rapportée par l'imam Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne délaissait pas la prière nocturne, même lorsqu'il était en voyage sallallahu alayhi wa sallam. Il priait la nuit debout ou assis jusqu'à ce que ses pieds enflent. Al-Mughira ibn Shu'ba, radiallahu anhu, Il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié au point que ses pieds s'étaient enflés, et quand on lui en fit la remarque, il nous dit, donc les compagnons ont dit au prophète, et lui ont dit, pourquoi t'efforces-tu à faire tout cela alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et ceux à venir? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondait à ses compagnons en leur disant, ne serais-je pas un serviteur reconnaissant à Fala Akunu Abdel Shakura, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit pendant le ramadan et en dehors du ramadan. Et les compagnons radiallahu anhu ont suivi la voie de leur prophète et de leur maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous dit, ton Seigneur sait, ô Muhammad, que tu te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers, de même qu'une partie de ceux qui sont avec toi, c'est-à-dire tes compagnons. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit en décrivant les compagnons, leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Donc la prière de la nuit est une des meilleures choses que le musulman puisse accomplir pendant ce mois, le mois de Ramadan. Et la prière de la nuit, c'est ce qu'on appelle prière Ramadan ou bien Salat al-Tarawih. Et il est cause d'entrer au paradis, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ô gens, répandez le salam, donnez à manger et accomplissez la prière quand les gens dorment, vous rentrerez alors paisiblement au paradis, rapporté par l'imam Tirmidhi. Et les nuits de ce mois, le mois du Ramadan, il est promis à quiconque qui observe la prière nocturne que ses péchés soient pardonnés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui fait les prières de la nuit pendant le mois de Ramadan avec foi et conviction d'être récompensé par Allah, ses péchés antérieurs lui seront pardonnés, rapportés par Al-Bukhari et Muslim. Ayyuhal muslimun, ad-du'a hablun mamdudun bayna as-sama'i wal-ard wa huwa al-maghnamu bila 'ana'i wa min anfa'i al-adwiyati lid-da. Qala Allah 'azza wa jalla, amma yujibu al-muttarra idha da'a wa yakshifu as-su' yani jami' anwa' as-su'. وفي كل ليلة ساعة إجابة والأبواب فيها تفتح والكريم فيها يمنح فاسألوا فيها ما شئتم فخزائن الله ملأ والمعطي كريم سبحانه وتعالى وإيقنوا بالإجابة فالرب قدير فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله. والدعوات أيها الإخوة الكرام مستجابة في هذا الشهر المبارك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة, يعني في رمضان, وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة, رواه أحمد. فبثوا إليه شكواكم فإن الله عز وجل غفور رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم, إن في الليل ساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه, وذلك كل ليلة, رواه مسلم. ونسمات آخر الليل مظنة إجابة الدعوات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال, ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يلقى ثلث الليل الآخر فيقول, من يدعوني فأستجيب له, ومن يسألني فأعطيه, ومن يستغفرني فأغفر له, متفق عليه. شرح الرسالة, l'invocation, الدعاء, est tel un câble tendu entre le ciel et la terre, un câble tendu entre le Créateur et ses créatures, et c'est le meilleur remède contre les maladies et les problèmes. Allah nous dit dans le Coran, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Donc beaucoup de gens de nos jours se plaignent d'avoir des problèmes, se plaignent d'être angoissés, d'être malades, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala promet dans le Coran en disant, n'est-ce pas lui qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Et chaque nuit, chers frères et sœurs, il y a un moment où les invocations sont exaucées, les portes du ciel s'ouvrent et Allah octroie à ses serviteurs de ses bienfaits. Donc demandez-lui donc tout ce que vous voulez, car les trésors d'Allah subhanahu wa ta'ala soyez également certains de sa réponse. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, invoquez Allah en étant certains de sa réponse, car Allah n'exauce pas l'invocation d'un serviteur au cœur distrait et inattentif, rapporté par Imam Tirmidhi. Chers musulmans, les invocations ont de grandes chances d'être exaucées pendant ce mois, pendant le mois de Ramadan. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, chaque jour et nuit du mois de Ramadan, Allah a des affranchis de l'enfer, et pour chaque musulman, il y a une invocation qu'il formule et qui lui est exaucée, rapportée par Ahmed. Élevez donc vers lui vos plaintes, car Allah subhanahu wa ta'ala est le très miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, durant la nuit se trouve une heure pendant laquelle, si un homme musulman demande à Allah du bien de ce monde ou de l'autre, Allah le lui donnera sans aucun doute, et ceci chaque nuit, rapporté par l'imam Muslim. Et la fin de la nuit est le meilleur moment pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Car Abu Huraira nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, notre Seigneur descend chaque nuit au ciel terrestre, au dernier tiers de la nuit, en disant, qui veut m'invoquer, j'exaucerai son invocation, et qui veut me faire une requête, je la lui satisferai, et qui veut me solliciter mon pardon, je lui pardonnerai. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le problème est que les mêmes gens qui se plaignent d'avoir des problèmes, d'être angoissés, d'avoir telle ou telle chose qu'ils aimeraient que ça s'arrange, à l'heure où Allah subhanahu wa ta'ala promet à ces gens-là de dissiper tous leurs problèmes, ces gens-là malheureusement sont en train de dormir et sont insouciants. Sallallahu ta'ala wa fiqana, barakallahu li wa lakum fi al-Qur'an al-Azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayat wa al-hikam. Aqulu ma tasma'un wa astaghfiru Allah al-'azim li wa lakum wa li sa'il al-muslimin min kull dhanb fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala an-nabiy al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-mustakmilin al-sharafa wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Ibadallah, i'lamu rahimakumullah anna as-salaf as-salih rahimakumullah كانوا يعظمون العشر الأواخر من رمضان أشد التعظيم، ومما يدل على ذلك أنهم كانوا يتطيبون لها ويتزينون، وكانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر. وكان الإمام النخعي رحمه الله يغتسل كل ليلة، ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى الليالي لليلة القدر. فقد روي عن الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزار ورداء، فإذا أصبح طواهما فلم يلبسها أو فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وكان أيوب السختياني رحمه الله يغتسل ليلة 23 و24 ويلبس ثوبين جديدين ويستجمل، وكان يستجمل يعني يتطيب. وكان ثابت البناني وحميد الطويل رحمهم الله من تلاميذ أنس بن مالك يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. يقول ثابت، كان لتميم الداري رضي الله عنه حلة اشتراها ب1000 درهم، وكان يلبسها في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. هكذا كان السلف رحمهم الله كانوا يعظمون هذه الأيام، أيام العشر، وهكذا كانوا كثير الاجتهاد في العبادة والانقطاع لها في هذه الليالي المباركات. شخصاً كتاب الله، sachez donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vénérait ces 10 dernières nuits et également ses compagnons radiallahu anhu et les dieux prédécesseurs qui sont venus après. Il vénérait ces 10 dernières nuits du Ramadan, et parmi les choses prouvant cela, le fait qu'ils se parfumaient pendant ces nuits-là et s'embellissaient. Et certains d'entre eux-mêmes se douchaient chaque nuit comme le faisait l'imam al-Nakhai rahimahullah. Certains d'entre eux également se lavaient et se parfumaient dans la nuit qu'ils espéraient être la nuit du destin. Enes ibn Malik, radiallahu anhu, la nuit du 24, il se lavait et se parfumait et portait une belle toge, puis au matin, il la pliait jusqu'à l'année d'après. Et Yunus Sirtiyani, rahimahullah, se lavait la nuit du 23 et du 24 et portait des vêtements neufs et se parfumait à l'encens. Thabit al-Bunayt et Humayd al-Qasim, rahimahullah, portaient leurs plus beaux vêtements et se parfumaient et parfumaient la mosquée la nuit qu'ils espéraient être la nuit du destin. Tamim al-Zahri, radiallahu anhu, possédait une toge qu'il avait achetée 1000 dirhams, c'est-à-dire très cher, et qu'il portait la nuit qu'il espérait être la nuit du destin. Donc voilà comment ses compagnons et ses pieux prédécesseurs vénéraient ces 10 dernières nuits, et donc il faut prendre exemple sur ses compagnons. Mais plus que le fait de s'embellir et de se parfumer, il remplissait ces 10 dernières nuits bénies par l'adoration d'Allah. Marshal Sahimi. Filash al-Awaqi, Lilatun, Yahir min al-Fishar. فعلى المسلم أن يجد في طلبها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنته أنه كان يعتكف العشر كلها واعتكفت أزواجه من بعده متفق عليه كل ذلك طلبا لإدراك هذه الليلة المباركة فكيف لا يجد المسلمون في طلبها ولا سيما أن الله عز وجل أخفى موعدها وستر عن عباده زمانها ليرى جدهم في عبادته وتذللهم بين يدي عز وجل وأرجح الأقوال أنها في الوتر من العشر الأواخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في الوتر متفق عليه وهذه الليلة المباركة ليلة القدر تنتقل من سنة إلى أخرى قد تكون هذه السنة هي ليلة 27 والسنة الجاية تكون في وقت آخر هذه الليلة تنتقل من ليلة إلى الأخرى قد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري وهو من هو في الاطلاع والعلم والفقه ذكر 46 قولا في تحديد ليلة القدر 46 قولا في تحديد ليلة القدر والقول بتنقلها قول قوي ظاهر جمعا بين الأخبار ففي السنة التي رأى فيها أبو سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين وكانت علامة ليلة القدر كانت ليلة 21 متفق عليه وفي السنة التي رآه فيها ابن أنيس كانت ليلة 23 رواه مسلم وفي السنة التي رأى فيها أبي بن كعب على علامتها كانت ليلة 27 رواه مسلم وهكذا هذه الليلة تنتقل من سنة إلى أخرى بين ليالي العشر الأواخر من رمضان إذا كانت هذه الليلة تنتقل فالواجب على كل مسلم أن يجتهد في العشر كلها فإن من أهل العلم من أحصى ليالي الوتر باعتبار نهاية الشهر وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في 9 تبقى في 7 تبقى في 5 تبقى رواه الإمام البخاري وعليه فلو كان الشهر 30 يوما فإن الليلة التي هي 9 تبقى هي ليلة 22 والليلة التي هي 7 تبقى هي ليلة 24 والليلة التي هي 5 تبقى هي ليلة 26 وهكذا وبالتالي حتى الأشفاع من الليالي ينبغي للمسلم أن يهتم بها فالله عز وجل أخفى موعد هذه الليلة ليجتهد العباد في العبادة وكي لا يتكل على فضلها ويقتصر أو يقصر في غيرها فأراد الله عز وجل منهما الجد في العمل أبدا ويدل لذلك ما رواه الإمام الطبراني في المعجم الكبير عن عبد الله بن أنيس أنه قال يا رسول الله أخبرني أية ليلة يبتغى فيها ليلة القدر فقال Il faut donc que le musulman s'efforce de rechercher cette nuit. Et comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour être présent en adoration pendant cette nuit, il accomplissait ce qu'on appelle l'i'tikaf, la retraite pieuse. Il restait dans les 10 dernières nuits dans la mosquée sans en sortir. Et pendant les 10 derniers jours du Ramadan, donc il faisait cela, et ses femmes également ont fait cela après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela pour ne pas manquer cette nuit bénie. Donc, pourquoi les musulmans ne font-ils pas l'effort de rechercher cette nuit, surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala a laissé inconnu son moment. Celui qui prétend connaître Laylatul Qadr, précisément, il se trompe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a laissé inconnu son moment. Tout cela pour observer le sérieux des musulmans dans leur adoration et leur soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. L'avis prédominant n'est pas ouvragé sur la détermination de la nuit du destin et qu'elle est dans les nuits impaires des 10 derniers jours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cherchez-la dans les 10 dernières nuits, dans les nuits impaires rapportées par Al-Bukhari wa Muslim. Et également, cette nuit change de nuit d'une année à l'autre. Cette nuit, Laylatul Qadr, elle change de nuit d'une année à l'autre. Elle peut être une année, le jour du 25 et l'année d'après, le 29 et l'année d'après, le 21 ou bien le 23. Al-Hafidh ibn Hajar, rahimahullah, le très célèbre savant, qui a expliqué Sahih al-Bukhari dans un livre qui s'appelle Fath al-Bari, il a cité 46 avis parmi les savants de l'islam sur la détermination de la nuit du destin. Et à notre époque, il y a des gens qui n'ont aucune connaissance de la religion, aucune connaissance du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui savent, eux, mashallah, quand est-ce que c'est la nuit du destin? C'est la nuit du 27. Et donc ils se précipitent tous vers la mosquée. Il y a 46 avis sur la détermination de la nuit du destin. L'année où Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anh a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam se prosterner dans de l'eau et de la boue, qui était un signe qu'avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour déterminer la nuit du destin, c'était la nuit du 21. Donc c'était pas la nuit du 27. Et lorsque Abdullah ibn Unais a vu cela, également les signes de la nuit du destin, c'était la nuit du 23. Donc ce n'était pas la nuit du 27. Ubay ibn Ka'b a vu les signes de cette nuit, la nuit du 27. Donc comme on a dit, donc cette nuit change de nuit d'une année à l'autre. Donc, en sachant cela, il faut que le musulman fasse des efforts pendant toutes les 10 dernières nuits du Ramadan. Car même si les nuits impaires sont importantes, également les nuits paires sont également importantes. Car en d'autres hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, cherchez la nuit du destin lorsqu'il restera 9 nuits, lorsqu'il restera 7 nuits, ou bien lorsqu'il restera 5 nuits, rapporté par Al-Bukhari. Donc si le mois est de 30 jours, quelle est la nuit qui correspond à 9 nuits restantes? C'est la nuit du 22. Et à 7 nuits restantes, c'est la nuit du 24. Donc même les jours impairs sont importants. Et donc la personne qui fait les efforts, en vérité pendant les 10 dernières nuits, il ne porte pas d'importance au moment précis de Laylatul Qadr, du fait qu'il a été présent pendant les 10 dernières nuits. Allah subhanahu wa ta'ala donc a laissé inconnu cette nuit afin que les musulmans s'efforcent de l'adorer pendant tout ce mois et plus particulièrement pendant ces 10 dernières nuits et afin qu'ils ne se contentent pas de l'adorer pendant cette nuit en délaissant les autres nuits. Et pour cela, le hadith rapporté par Al-Tabarani dans son livre Al-Mu'jam al-Kabir, Abdullah ibn Unais un jour a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, informe-moi quelle nuit faut-il rechercher la nuit du destin? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit en lui disant, si je ne craignais pas que les gens ne délaissent la prière sauf cette nuit-là, je t'en aurais informé. Sallallahu ta'ala alayhi wa fiqana lima yuhibbu warda wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsana. Allahumma at nufusana taqwaha wa zakki ana khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. شاء الله في هذا المسجد ليلة الأحد ليلة الأحد يعني قبل صلاة الصبح يوم الأحد بساعة إن شاء الله سنصلي ما كتب الله سبحانه وتعالى لنا صلى الله تعالى يتقبل منا أن يتقبل منا وجلزة avant donc, la prière une information donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يشتغل في العشر الأواخر le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait des efforts d'adoration pendant les 10 dernières nuits donc inshallah dimanche avant la prière de l'aube une heure avant la prière de l'aube nous allons prier donc salat tahajjud donc avant la prière de l'aube donc pour les frères et les sœurs qui veulent prendre exemple sur le prophète